les pas s'effacent sous un ciel blanc qui s'enlace. Les lumières brillent doucement comme un rêve de givre dans le vent. Et je ferme les yeux un instant. J'entends l'hiver qui me prend. Au bal des flocons, on tourne en rond. Les cœurs s'illuminent au rythme du son. Dans l'air qui frissonne, les nuits résonnent. Au bal des flocons, l'hiver nous pardonne. Le froid se change en espérance. Et même si le monde ralentit, la magie, elle grandit. Bas les flocons, on tourne en rond. Les cœurs s'illuminent au rythme du son. Dans l'air qui frissonne,